Djibril, tu viens avec moi, s'il te plaît, tu prends tes affaires. J'allume le bigo, mais personne ne répond. Chargez le peupon, je marche entre les tombes. Pour remplir le frigo, faut pas qu'on fasse des cons. Je vois plus de zéro quand c'est l'heure des cons. Faut pas qu'on fasse les cons, pas qu'on fasse les cons.